No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Oh, oh, oh. No woman, no cry. Rasta bear, gee. Rasta Benji, wa ma ma ma ma ma ma. Merci. Non, pourquoi je suis fort? C'est la faute à Titi, ça. À chaque fois, il dit que je suis pas assez fort. Ekis has joined the server. No woman, no cry. Qui c'est qui met la batterie? Alors attention. No woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government. J'aime bien mon accent anglais. You're this strange though, and then Georgie will make a fire like at his wall. Oh, oh, woman, no cry. Bon, allez, Titi, fais péter un petit riff là. Mais Equis, c'est un batteur, hein, je crois. Il y a un batteur. Hein. Everything gonna be alright. Everything will. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. So woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Lock will burn from the night. little darling, don't you know? Les accords, je ne sais pas. Il faut chercher dans ta petite tête. Et peut-être que tu trouveras les accords de Bob Marley et Vincent Ford. En 1974, Bob Marley était dans la place. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine. Il venait d'Angleterre, cette terre n'est pas la mienne. Choose for every mission, and this is my classical audition. The first angel with the heart of the lion, and was a classical champion. Number one called on a Kisun, classical champion. You got to lie, or you need to lie, and you need to love, or you want to live. Will you go for a now? Will listen to understand? But you know my only. Je vais prendre ma basse, yeah. Crazy girl. Crazy girl. Crazy girl. Ready? New chords. The same thing, but new chords. This is my classical. This is my classical option. One I had chosen. Vision, the face of an angel with a head on your. Je suis en train de chercher les paroles. I found the lyric. Sweet dream. C'est pas pour moi. Allez, je vais essayer. Je vais essayer, Philippe. Je vais essayer. Attends, je copie les paroles. Sweet dream of metal beams. Everybody looking for something. Pourquoi ça craque, putain? Ok, alors ça fait combien? Attention. Sweet dream of metal beat. One to disagree. Travels around the seven seas. Everybody. 32. 32. Je crois. Boire un peu de whisky. Qui est-ce qui cocotte? J'en ai marre d'être malade. Are you ready? Are you ready for the song? Sweet dream! Version ninja! Avec ma basse qui est même pas accordée. J'ai perdu l'accordage. plus, il a un bon son. Hein. C'est toi, Phil. Bon plan. Je crois que c'est Phil. Hein. Allez, au prochain. Batteur. C'est lui le chef d'orchestre. The dream. The drum. La nuit, je prends ma vue dans le verre comme sauté élastique. Ma petite entreprise. Je reviens te chercher. Indochine. N'importe. support moral touché. Vous connaissez pas ça? Dernière danse? Kyo. Avec un Y, je crois, non, c'est ça. Je veux juste une dernière danse. Moi je la connais comme ça. Ben ça fait comme ça. Attends, je pars à 1. Je veux juste. Alors c'est quoi cet accord? En Ré. En Ré. Après, je cherche les paroles. Je veux juste une dernière danse entre l'ombre et l'indifférent, la vertu puis le silence. Je veux juste une dernière. Thank you. 1, 2, test. Ah, ça y est, ça marche. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. J'ai plus la peur. Dis pas que la peur te laisse fort. Ouais, mais je me rappelle plus comment on fait. Putain, il chante bizarrement. Parcouru son corps et fleuri sans foi, sans visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. Ici, de l'or et même quelques étoiles, un essence de larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière dose avant l'ombre et l'indifférence. Quand on ne sait pas dans ma peau, je vais passer dans ma peau. Si tu veux bien, c'est bien. Oh putain, c'est 25. Je suis déçu. Je suis désolé. J'ai longtemps parcouru son corps et pleuré cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore. Partie de moi. Ça aide, je connais pas. Ah oui, ah ouais, celle-là, je la connais celle-là. Je connais. Juste le refrain, allez, celle-là, juste le refrain. Je connais qu'une chanson. On est vieux, trop tôt, mais c'est pas ma peau. C'est ma peau, c'est une douleur qui s'aime. Je l'ai bien massacré, je suis désolé pour Kyo. Mais moi, tu vois, pas trop comment il a chanté, et chez moi ça craque. Monte un peu. Je veux juste une dernière danse. Le batteur il commence à en avoir marre. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Le vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Bah, je crois qu'il en a marre. Benji. Oui, j'ai eu... Comme je ne savais pas la chanter, j'ai dit bon, on va la chanter autrement. Salut, il s'en va. Yes. Nice drum. Ça fait mal et tu t'en vas. Pourquoi tu t'en vas? Non, ne pars pas. On était bien, tu sais, avec toi. On était bien tous ensemble. Ne pars pas. Ne pars pas. Non, reviens. Reviens avec ta batterie, tu sais. C'était bien. Oh, c'était bien. Un crazy giol. Ouais, je vais essayer de mettre un truc. À 120. Ah, il est à 115, le mien. Ça va pas le faire. 120. Ma batterie traditionnelle. Pou, tchac, pou, tchac. Vous allez voir, c'est ce que je dis. Bon, on l'entend la batterie? On l'entend ou on l'entend pas? Faudrait la mettre un peu plus forte. Je sais pas comment on monte le volume là-dessus. Ça a monté là ? Il est où le truc ? Ça a monté le son ? Je sais pas plus que toi. Est-ce que vous entendez mon super batteur ? aller, ses pistes enneigées. Le matin, t'arrives même plus à te lever. C'est pas grave, tu vas faire le mot devant toutes tes copains snowboarders. Et la prochaine fois, tu sais, tu vas casser la gueule. Et là, tu prends un arbre et ça fait.